démarrer officiellement aujourd'hui. Un conseil d'entreprise se tient en ce moment, le premier depuis l'annonce de la fermeture de l'usine. Les syndicats veulent obtenir des réponses de la part de la direction. Ils sont en contact avec la direction belge, qui devra certainement s'entretenir avec la direction américaine, celle qui a pris la décision de fermer le site de Gosselies, pour pouvoir donc répondre aux questions des syndicats. Des contrôles psychologiques obligatoires pour les médecins, c'est ce que souhaite l'association de médecins généralistes Domus Medica et la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Ils veulent plus spécifiquement mettre en place un contrôle annuel et obligatoire et aussi un numéro d'urgence national. Avec ces contrôles, l'association et la ministre veulent aider les médecins qui souffrent de burn-out, de problèmes d'alcool ou encore de problèmes psychologiques. Une information à lire dans le quotidien flamand Hot Newsblad ce matin. À l'étranger, en Norvège, une amende salée pour une coiffeuse, plus de 1000 euros. Elle a été reconnue coupable par la justice de discrimination religieuse. Elle avait refusé à une musulmane qui portait le voile dans son salon. La coiffeuse a l'intention de faire appel. En sport, déjà 2 médailles belges aux Jeux paralympiques de Rio. La troisième est déjà assurée, mais sera-t-elle d'or ou d'argent? Dans quelques heures, Florian Vanacker disputera la finale du tournoi de tennis de table pour les personnes handicapé mental. Un autre Belge notamment à suivre aujourd'hui, c'est Joachim Gérard en tennis en fauteuil roulant. Il dispute son 8e de finale face au Français Michael Jeremia. Toujours en tennis, le Suisse Stan Wawrinka a remporté l'US Open hier, le dernier grand chelem de la saison. Il a marqué beaucoup de points au classement mondial. Malgré tout, il reste à la 3e place. Le Britannique Andy Murray est toujours 2e et le Serbe Novak Djokovic 1er. Le Suisse Roger Federer lui perd 3 places. Il est 7e. Il n'a plus joué depuis Wimbledon. Notre compatriote David Goffin, lui, est toujours le 14e joueur mondial. La météo, si vous en avez l'occasion, profitez du beau temps. Aujourd'hui, le soleil et la chaleur sont de la partie. Les maxima sont compris aujourd'hui entre 26 et 30 degrés. Ce temps estival, ça sera jusqu'à mercredi. RTBF Mobile Info, comment ça se passe sur les routes, Jean-Marc Strel? C'est comme la météo, ça se passe pas mal du tout. Les derniers ralentissements vers Bruxelles observés sur le 40 venant de Gand entre Affligem et Grand-Bégard. Amélioration sur le ring extérieur de Bruxelles avec les derniers ralentissements entre Strombeek et Grand-Bégard vers Hall. Pour la circulation intérieure entre Grand-Bégard et Jette en direction de Zaventem. Quelques ralentissements dans Bruxelles, dans le tunnel Léopold II vers le midi. Et puis attention à ce camion en panne dans l'échangeur du carrefour Léonard. C'est dans la bretelle qui relie le 411 si vous venez de Namur, au ring de Bruxelles en direction de Zaventem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, à tout à l'heure midi pour les autres infos. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oh oh, et attendez, on refait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh mais qu'est-ce que c'est? Mais voilà. C'est la voix d'Hubert. Mais c'est un bonheur que d'être parmi vous. Et ça fait 2 semaines qu'on a repris le boulot, 3 semaines. Ah, et qu'est-ce que vous étiez où? À mon âge, je dois un peu plus de repos. Ah voilà, c'est ça. Et vous allez revenir en forme et avec quoi aujourd'hui? Des tas de recettes, mais bon, que je vais distiller au cours de la saison. Aujourd'hui, je viens avec une recette de grand-mère pour faire soi-même son savon à barbe. Elle va toujours aussi bien là. Elle est super. Pétante. Aujourd'hui, au programme de cette émission, on va aider aussi un auditeur trice, je ne sais pas, Trine, c'est son nom. Je crois que c'est une dame. Elle a fait réparer son combiné frigo-congélateur, mais le frigo ne fonctionne toujours pas. On verra ça avec Annie. Aurore, dans le journal de la conso, on parle d'une expérience pilote menée ce samedi dans un grand magasin à Mons. C'était pour acheter malin. Oui, c'est ça. En fait, les clients étaient accompagnés par un coach en diététique pour pendant 20 minutes. Ils ont pu avoir les conseils de ce coach pour acheter intelligemment. Pas mal. D'où la question qu'on vous pose aussi sur la page Facebook. Est-ce que vous, ça vous dirait de faire appel au service d'un coach pour vous aider à bien choisir les aliments dans les magasins? Vous nous dites tout sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Autour de la table, Isabelle nous a rejoint aussi, mais il y a un truc qui se passe en ce moment, ça ne va pas, vous nous dites que les feux rouges vous envoient des messages. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? Seulement dans ma commune. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Saint-Valentin, parfois les feux rouges, ils dessinent un petit cœur. Oui, juste. Eh bien là, le feu rouge, il m'envoie deux mots. Qu'est-ce qu'il envoie ? Stop, je stoppe toujours au feu rouge. C'est pas mal, c'est pas mal. Stop, c'est ta. Je m'appelle pas Seta. C'est qui ça, Seta? Ah ben, c'est ce qu'on verra tout seul. Le suspense est dingue. Qu'est-ce qu'on peut dire, si ce n'est qu'on met un peu de musique aussi dans cette émission? Oui. Allez, hein. On fait ça. C'est qui ça? C'est joli. C'est joli, mais c'est LP. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il y aura aussi Julien Doré. Ça, c'est plus... Là, tu vois, il y a des paroles. Parce que l'autre, c'était perturbant. Il n'y a pas de parole. Okay. Julien Doré sera là aussi avec Le Lac. Vous écoutez Vivacité, on est ensemble jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Cité avec le titre This Girl. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Sur la page Facebook de l'émission, vous allez laisser ce week-end l'article avec nos astuces pour nettoyer les baskets blanches et vous avez aussi déposez les vôtres. Oui, et vos questions aussi, comme celle de Loïs. Ah non, c'est de Florence. Loïs, c'est son nom de famille. Pour le cuir, c'est simple de lui rendre sa blancheur, mais pour la semelle, c'est impossible. À la longue, elle devient jaunâtre à cause des UV. Ce à quoi Lina répond, j'ai la solution, l'éponge magique. Vous l'humidifiez un peu et le tour est joué. Et le truc de Stéphanie pour la semelle, c'est de les gommer avec une gomme, tout simplement. Valérie nous dit qu'en tant que conseillère H2O et ayant 4 enfants, sans aucun doute, la crème d'argile, je viens vous faire la démo quand vous voulez. Et en plus, c'est écologique. Il y a d'autres personnes qui ont confirmé aussi que c'était très très efficace, cette crème d'argile. Et Rosanna les met dans la machine à laver. Elle n'a jamais eu aucun problème. On vous parlait aussi la semaine dernière en télé d'un vélo sur lequel est installé un tapis roulant. Ça vous a pas convaincu? Nous non plus d'ailleurs, mais ça vous a pas convaincu. Antoine nous dit, sinon ça marche tout court. Ça marche tout court, ça ne fonctionne pas. Voilà. Vital dit, personnellement, je trouve ça bizarre et très encombrant par rapport à mon vélo électrique. Mis à part cela, dans les montées, qu'est-ce que ça doit donner? Bonne question. Et puis pour Indrit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pas mal de commentaires aussi au sujet des dates de péremption. La question étant, peut-on encore consommer les aliments quand la date de péremption est dépassée? Mais oui, Vincent nous dit, les dates limites sont une date de sécurité. Plus la date limite est éloignée et moins le risque est grand. J'ai déjà mangé du yaourt passé de 1 mois, toujours l'odeur du yaourt, donc ok, très stable. Les boîtes de conserve, c'est pareil. Alors Malgorzata nous dit, une larme d'émotion pour mon papa chéri qui retourne tourner tous les mois des sardines à l'huile. Je vous dis pas la date de péremption, je n'oserais pas, pour qu'elles prennent du goût, pour en faire des rillettes avec de la moutarde. Mmh. Et enfin Wendy, c'est le pompon, hein. Elle a mangé une conserve d'escargot périmée sur une pizza. Personne n'a été malade, périmée depuis 8 ans. Attends, déjà des escargots sur une pizza? Bah non, mais déjà, arrête-toi là, quoi. Mais il y a quand même un problème. Périmé depuis 8 ans, quand même. Oui, il y a quand même un problème avec cette date de péremption. Parce que qui fixe la date de péremption? C'est le fabricant. Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui? Ah oui, c'est Hubert. Hein, voilà, non, mais c'est, il faut le dire quand même. Qui fixe la date de péremption? C'est le fabricant. Ouais. Donc il a tout intérêt. Il y a eu un scandale en France où, justement, pour des yogourts aux fruits, dont je ne citerai pas la marque, eh bien, la date de péremption, pour les c'était la même fabrication. Le jour même, c'est le contingent qui était envoyé dans les dom-toms, la date de péremption était prolongée par rapport à celle qui était consommée sur le territoire. France, ouais, donc il y a quand même là un problème avec cette date de péremption. Vous avez bien fait de revenir, Hubert. Il est remonté. Hein, Remonté à Balaguerre. Sur Facebook, hein, vous continuez à interagir avec la rédaction, ou un petit mail aussi, ça marche bien. Oui, à l'adresse pigeon@rtbf.be. Les SMS, vous pouvez les envoyer. Envoyez au 3063, ça coûte 50 centimes. Et notre répondeur est accessible aussi au 070 222 660. Bougez pas, il y a Jean-Jacques Goldman qui débarque. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be.

C'est ta chance, c'était Jean-Jacques Goldman en 1987. 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Et c'est beaucoup hein, pour un frigo, 2,21 gigawatts. On accueille à 11h20 sur Vivacité, on accueille Trine. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu un petit souci avec un combiné frigo-congélateur. Vous avez fait appel à un dépanneur en électroménager. Il a remplacé le thermostat. Jusque-là, c'est bien. Mais le lendemain, le frigo était toujours en panne. Vous avez un peu l'impression de vous être fait sur ce coup-là. Bien sûr. J'étais voilà. Furieuse après moi-même, oui. Pourquoi furieuse après vous-même? Parce que je me sentais berné comme un enfant. Et vous êtes dans le frigo là ou pas? Parce qu'on ne vous entend pas. Sortez du frigo, sortez, voilà. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, j'étais furieuse parce que je me sentais berné comme un enfant quand le fournisseur de service m'a répondu au téléphone le lendemain de la réparation qu'il me suffisait d'acheter un autre appareil chez lui pour me faire rembourser le prix du thermostat qui m'a coûté 50 euros. D'accord, bah, je comprends que vous soyez furieuse. C'est pas des façons de faire, ça, Annie. Mais non. Et donc, ça veut dire que quoi, vous êtes retournée chez le dépanneur ou bien vous avez carrément changé votre fusil d'épaule, comme on dit, et acheté un nouveau frigo? Je me suis rendu compte que déjà, sur son site, un forfait déplacement s'était mis 35 euros. Et il m'a facturé 45 euros. J'ai dû payer sa cash. Et le lendemain, je me retrouvais avec mon 5 euros en moins dans mon portefeuille. Et alors là, je me suis rendu compte tout de suite que c'est quelqu'un qui m'a vraiment forcé la main et que c'était la période des soldes en juillet et que j'avais nettement plus de choix ailleurs que chez lui. D'accord. Si vous ne parlez pas mieux devant votre téléphone, on va pas pouvoir poursuivre la conversation parce qu'on vous entend très mal. Annie s'est penchée sur ce dossier, oui. Évidemment, et a contacté... La société, hein, voilà. C'est une société de Bruxelles. Alors, ben voilà, il ne veut pas être à l'antenne. Quoique, je ne désire pas participer à cette émission que j'aime et que j'apprécie. C'est mais déjà je sais ça. Bien les explications nécessaires. Alors, les explications, évidemment, Trine, il n'a pas le même son de cloche que vous. Il dit que pour venir déjà remplacer le thermostat, il a dû tourner en rond pendant plus de 20 minutes parce qu'il n'y avait pas de place chez vous. Oui, et alors? Voilà, donc que le thermostat... Attendez, je... Voilà, donc le frigo ne tourne plus, donc on dit que c'est probablement le thermostat. Et ce qu'il avait été dit, c'est qu'on remboursait la pièce si ça ne fonctionne pas. Et ouais. Donc, il semblerait que le message ne soit peut-être pas bien passé, mais si le thermostat ne fonctionnait pas ou si le frigo ne fonctionnait pas malgré le remplacement de la pièce... Il suffisait, dit-il, de retourner chez lui et il aurait remboursé la valeur de la pièce. Oui, alors, sauf que là, il demande qu'on achète un frigo. Voilà, c'est ça. Et donc, il proposait l'achat d'un frigo de seconde main, plus ou moins 200 euros. Je vais faire un récapitulatif dont il aurait évidemment déduit l'intervention. Un peu facile, alors, quand même. Vous m'avez envoyé, Trine, le bon de réparation. Effectivement, forfait 45 euros, thermostat 50 euros, total... 95 euros. Et quand on est sur le site de la société, qu'est-ce qu'on voit? On voit 35 euros déplacement et main-d'œuvre. Oui, ce n'est pas normal. Et donc, ça pose un petit souci. Pourquoi on calcule 45 euros? Donc, il m'a donné des explications. Forfait de 35 euros plus TVA, c'est... Enfin, bref, on fait les calculs, mais soit. Donc, il ne revient pas sur le montant qui a été payé. Ce chose, nous, c'est que... On dit, voilà, quand on est sur un site et qu'on voit 35 euros déplacement plus main-d'œuvre, on se dit, mais pourquoi demander 45 euros? Vous allez me dire 10 euros, c'est pas grand-chose. Oui, mais si mais ça bon, quelque part, clients, entre peu... guillemets, ce n'est pas une bonne information. Quelque part, on trompe, entre guillemets, les gens. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, à mon avis, du côté du dépanneur, vous n'avez plus rien à attendre puisque vous avez acheté un autre frigo ailleurs. Moi, je propose qu'on passe un petit coup de fil. À un dépanneur qui n'a rien à voir, rien avec, à voir avec l'histoire. Dans mais la région juste... de la Louvière-Morlan, oui. Juste pour voir, oui. Juste pour voir comment ça se passe. C'est surtout les prêts et le système de forfait qui est un peu interpellant. Voir comment le secteur travaille, finalement, si M. Burry... Oui. Décroche son téléphone. Monsieur Burry? Oui. Bonjour, vous êtes en direct sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Vous savez pourquoi on vous appelle? Parce qu'on vous a contacté hors antenne avant. On voulait juste un peu connaître comment ça fonctionne dans le système du dépannage, des forfaits comme ça. Quand un de vos collègues demande 35 euros et qu'il facture 45, c'est pas logique, on est d'accord? Oui, c'est pas logique, mais il peut toujours subvenir des surprises. Donc, tout dépend comment on juge la situation. Maintenant, il y a des firmes qui travaillent avec des forfaits et il y a des firmes qui travaillent avec un déplacement compté et un taux horaire de l'heure, ou moi c'est du quart d'heure, donc un quart d'heure presté, ça fait un taux horaire. Donc plus longtemps on reste, plus le prix va être élevé. Mais quelquefois, on n'a pas uniquement le souci sur l'appareil. On arrive chez des gens, il faut déjà dégager toute la pièce pour atteindre l'appareil. Donc travailler avec des forfaits, quelquefois c'est bien risqué. Mais ici, Monsieur Brie, on voit qu'il y a un forfait 35 €. Est-ce que oui, dans un type d'annonce comme ça, on ne pourrait pas dire que quelque part c'est un prix d'appel pour que les gens s'adressent à ce dépanneur-là? Oui, on pourrait voir aussi les choses comme ça. C'est pas un prix trop bas pour un forfait? Oui, c'est bas, 35 €. Si on regarde, s'il est resté un quart d'heure et un déplacement, ben ça fait bas quand même le forfait. Dans mon coin, j'ai des firmes qui travaillent aussi en ce genre de système, avec des forfaits, mais ils sont à 50 € minimum, 60, même 75. Je connais une firme à 75. Mais ils ne dépassent pas les 75. D'accord. Donc ici, c'est peut-être un peu problématique d'annoncer un forfait aussi bas. Il faut quand même faire attention, quoi. Il faut se dire qu'on n'a rien pour rien. Oui, voilà. Surtout aussi si on a du personnel. Oui, voilà. Il y a plein d'éléments qui entrent en considération. Nous, c'est pour ça qu'on vous a appelé. On voulait juste un peu connaître un peu le fonctionnement. Oui, le système. Donc, si on vous comprend bien, vous, c'est le déplacement plus un taux horaire à l'heure et c'est par quart d'heure. Donc, ce qu'on retient, en tout cas, Annie, c'est qu'il faut bien lire tout. Il faut se méfier aussi de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce petit sujet? En conclusion, c'est que, évidemment, il ne faut pas se faire avoir quoi que ici, on ne sait pas si on sait. C'est trop beau. Et donc, il faut pas accepter n'importe quoi. Vrai, et quand on voit un forfait 35 €, par téléphone, il faut demander exactement ce que ça comprend. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Voilà qui est très clair. Le journal de la conso arrive. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon côté. Les prix fous Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 3006 ou sur châssiswilliams.be. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. When you get older, plainer, saner, patience, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them. C'est le coup de cœur de cette rentrée sur Vivacité LP, le titre Lost on You. Un autre coup de cœur de Vivacité, c'est J-M. Vous, Jean-Marc. Comment ça se passe sur les routes? Ça se passe bien dans l'ensemble, il fait beau, il fait chaud, c'est bien, on va en profiter bien évidemment. Il y a tout de même 2-3 infos, comme cet accident sur l'E40, Gand-Bruxelles, à hauteur de Grand Bigard. Une bande de circulation est neutralisée, prudence en direction de Bruxelles. Quelques ralentissements également suite à un camion en panne dans l'échangeur de Carrefour Léonard. C'est la bande de droite qui est neutralisée très exactement dans la bretelle qui relie l'E411, si vous venez de Namur, au ring de Bruxelles, en direction donc de Zaventem. Et puis quelques ralentissements sur la circulation extérieure du ring entre Strombeek et Grand Bigard vers Halle, et la circulation intérieure entre Grand Bigard et Jette en direction de Zaventem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h32, c'est le journal de la conso. Dans les journaux du groupe Sud Presse aujourd'hui, on met en garde les étudiants contre les arnaques aux cotes. Oui, un cote magnifique pour un prix dérisoire. La petite annonce est trop belle pour être vraie. Alors si vous tombez dans le panneau, eh bien on vous proposera un rendez-vous. Mais vu que la demande est forte, bah oui, vu que le cote est magnifique et pas cher, bah il faudra verser un acompte pour pouvoir visiter ce cote, et en plus via Western Union. Vous aurez compris, c'est une arnaque. Mais selon Olivier Bogart de la Computer Crime Unit, qui est donc interrogé dans la presse aujourd'hui, eh bien certains étudiants et leurs parents se font malgré tout avoir, et ils sont quand même nombreux. Des arnaques en augmentation en ce mois de septembre, qui coïncident aussi avec la chasse aux cotes pour les étudiants qui ont réussi la seconde session. Alors, autre arnaque de saison, selon Olivier Bogart, ce sont les ventes de chiots. C'est vrai qu'on vous en a parlé la semaine passée. En fait, les méchants prétextent que leur fils est allergique pour vous céder l'animal. Et donc, on profite de la saison maintenant où il y a encore les allergies qui reviennent. Et on vous fait payer des frais exorbitants pour le transport et vous ne voyez jamais l'animal venir. Oui, alors il y a un petit truc qu'Olivier Bogart nous a toujours expliqué. Quand vous voyez une annonce, vous faites un copier-coller de l'annonce, vous mettez ça dans Google et vous allez voir la même annonce répertoriée des centaines de fois. C'est qu'il y a un gros souci, et louer un superbe duplex à l'avenue Louise pour, on va dire, 300 euros, il ne faut même pas y penser. Donc, les étudiants et surtout leurs parents qui tombent dans le panneau, bon sang, qu'ils soient un peu plus attentifs. Vigilants. Autre titre qui a retenu notre attention ce matin, c'est le coach qui nous aide à faire le bon choix dans les rayons. L'expérience était tentée à Mons ce week-end. Oui, un projet pilote qui était mené au carrefour du centre commercial des Grands Prés. Une cinquantaine de clients ont pu être accompagnés gratuitement d'un coach en diététique. Et durant 20 minutes, eh bien, ils ont reçu les conseils sur leurs achats. L'opération était menée en partenariat avec Partenamut. Les responsables de la mutuelle et de l'enseigne vont se rencontrer aujourd'hui. Ils vont analyser un petit peu comment ça s'est passé ce week-end. Mais on peut déjà dire que les clients qui ont participé étaient très satisfaits, d'autant plus que c'était gratuit. Ouais, mais le magasin, est-ce que le magasin est satisfait? Parce que si tu as un coach en diététique qui vient faire tes courses avec toi, il y a plein de rayons dans lesquels tu passes pas. Hein. Ou alors les clients sont retournés le lendemain pour acheter le chocolat, les sodas, tout ce qu'ils n'ont pas pu acheter à ce moment-là. Tout ce qui manquait, effectivement. Dans la DH du jour, on parle d'une nouvelle tendance, c'est le canicross. Oui, c'est la course à pied, mais avec un chien. Le jogger hamburger est attaché à l'animal, ou l'inverse, on ne sait pas, par une corde élastique de 2 mètres fixée à un harnais. Le maître et l'animal font un parcours entre 5 et 10 km en fonction du type de chien notamment, mais toutes les races peuvent pratiquer ce sport. Tendance qu'il y a le vent en poupe donc, mais le sport existe déjà depuis 25 ans. Et d'ailleurs, il existe une fédération belge de canicross. Elle compte 400 participants et le champion d'Europe de canicross est belge, figurez-vous. Si vous voulez vous y mettre, sachez que l'équipement coûte une centaine d'euros quand même. Et puis, il faut aussi avoir un chien. Aussi, c'est un chihuahua. Oui, et puis, ça marche, et alors, ça marche aussi. Et puis maintenant, la nouvelle mode, c'est les jogging avec les coureurs sans chien. De temps en temps, il y a des coureurs qui viennent avec leur chien. Et je peux vous dire, expérience vécue, que de temps en temps, ils ne font pas attention et qu'on se prend les baskets dans la laisse du chien qui traîne. Écoutez, oui, si c'est un chihuahua, c'est pas grave. Si c'est un Doberman, on laisse faire un Doberman. Et puis on termine avec une info pour les philatélistes. Une série de timbres émises par les Pays-Bas qui vont donner envie d'envoyer des lettres et surtout d'en recevoir. On peut y voir Doutzen Kroes, c'est une mannequin néerlandaise, égérie notamment de la marque de lingerie. Attends, je vais sur Internet. Ah, tu peux y aller parce qu'elle est bien. C'est donc l'égérie de Victoria's Secret, oui, ouais. J'ai dit autre chose. On la voit soit nue, les bras croisés sur la poitrine. Doutzen. C'est les timbres, je vous rappelle. Soit Doutzen, T-Z-E-N, Kroes. Oh non, Didjou. Elle est bien, hein. Mais calmez-vous. Donc, 10 timbres, ils sont très très jolis. Le problème, c'est qu'ils sont réservés aux envois dans le pays. Donc, vous devrez aller aux Pays-Bas ou avoir un ami qui vit là-bas. Mais merci quand même de nous avoir fait rêver. C'était juste pour ça, pour vous faire rêver. Information. On va rêver aussi avec des feux de signalisation qui nous parlent. Oui. Isabelle, c'est bizarre, quand même. Oui, c'est bizarre. C'est après Christophe Willem. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Vous détendre dès votre départ pour l'aéroport? Ou vous relaxer entre l'aéroport et votre hôtel? Lâchez-vous, Neckermann s'occupe de tout. Transport jusqu'à l'aéroport, vol, voiture de location et hôtel. Réservez maintenant vos vacances d'hiver au soleil et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. En télé sur la Une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT sur la Une. Voir et revoir, rtbf.be/onvio. Bonjour Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Je m'en déguise. un métier comme un autre. Ah, là par contre... écoutez, enfin voilà, ça se soigne, Christophe. C'est pas très grave. Christophe Willem, en 2007, avec Double Jeu. On n'est pas des pigeons. Isabelle, à nous deux. Il paraît que les feux de signalisation vous envoient des messages. Ils vous disent quoi ? Eh bien, dans ma commune, mais Saskia, la stagiaire qui est avec nous, dit que dans sa commune aussi, quand le feu devient rouge, il affiche deux mots. Stop, ce que je fais, CETA, mais je ne m'appelle pas CETA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez déjà pensé à consulter ? Oui, j'ai consulté, mais je n'ai pas consulté un médecin. J'ai consulté les infos pour savoir exactement ce que ça veut dire, ce mot étrange, CETA. Et alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, le CETA, figurez-vous que c'est à peu près la même chose que le TTIP le TAFTA. Ah, bah oui, dire. Voilà, c'est simple. C'est beaucoup plus clair. Ça ne m'avance pas du tout, ce que vous venez de dire là, mais bon. Pour le dire en deux mots, parce que je vais vraiment caricaturer les choses, le TTIP et le CETA, ce sont deux traités transatlantiques commerciaux que l'Europe est en train de négocier. Le premier, c'est avec les États-Unis, on en parle quand même pas mal, et le second, c'est avec le Canada. Et en quoi ça nous concerne, les consommateurs ? Eh bien, ça nous concerne vraiment au premier chef. Par exemple, quand on parle des États-Unis, au niveau nourriture, à quoi on pense ? Le poulet chloré, le bœuf aux hormones, les aliments OGM. Alors pour tous ceux qui sont contre ce traité, ils disaient, bien écoutez, avec ces traités, bien tout ça va arriver chez nous, ça va être la porte ouverte à la malbouffe, les normes européennes, qui sont quand même pas mal, vont être revues, mais à la baisse et pas à la hausse. Ça pourrait aussi faire disparaître la petite agriculture familiale au profit plutôt de l'agro-business. Et donc ça, c'est pour le traité avec les États-Unis, et pour celui avec le Canada, c'est aussi dangereux ? Eh bien écoutez, pour ça, je vous propose de se tourner vers la porte-parole de Testachet, parce que Testachet, faut le savoir, fait partie des nombreuses associations qui luttent contre ce traité, ce qui prouve bien que le consommateur est concerné. Julie Frère, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup du TTIP, mais le CETA, ça semble aussi dangereux que le traité commercial avec les États-Unis ? Alors, donc Isabelle vient de bien l'expliquer. En fait, on peut considérer que c'est un petit peu le petit frère du TTIP, le CETA. Et on peut aussi dire que c'est tout aussi dangereux et encore plus en fait aujourd'hui parce que ça devient très très urgent. C'est un traité qui a été négocié de manière complètement opaque, encore plus opaque que le traité avec les États-Unis parce que maintenant il y a vraiment, on en parle de plus en plus, il y a une mobilisation citoyenne, les gens ont exigé d'avoir un droit de regard sur ce qui était en train de se décider. Le CETA, ça a été fait dans l'opacité totale et on nous présente un texte qui est vraiment à prendre ou à laisser. Et donc, ça doit être signé. En plus, ça va être présenté au gouvernement des différents États membres maintenant le 22 septembre. On va appeler les gouvernements à signer ce traité. Donc, il y a une véritable urgence pour nous de prise de conscience et de mobilisation de la société civile. Mais concrètement, Julie, donc on a parlé malbouffe et tout ça. Il y a d'autres choses qui sont dangereuses parce qu'il y a quand même ceux qui sont pour ce traité disent mais non, ça va être une bonne chose parce que, par exemple, ça va faire baisser les prix. C'est quelque chose qui s'avère ou pas ? Alors, on a dit beaucoup de choses. Par contre, il y a très peu de choses qui sont avérées. Alors, effectivement, on nous dit les consommateurs vont payer moins cher, ils vont avoir beaucoup plus de choix. Alors, il y a des études qui ont été faites avant les négociations et ces études n'ont pas du tout déjà des constats qui sont similaires. On en a qui prévoient une petite baisse des prix et d'autres qui prévoient même des hausses de prix. Donc aujourd'hui, on n'a absolument aucune preuve scientifique selon laquelle le CETA, donc le traité avec le Canada, permettrait vraiment de faire baisser les prix pour les consommateurs. Par contre, on aurait pu faire plein d'autres choses pour les consommateurs parce que, a priori, un accord commercial, ça peut avoir des effets très positifs aussi. Et donc, on aurait pu, par exemple, revoir les tarifs de roaming. On en a beaucoup parlé en Europe, mais vous imaginez ici, pour un consommateur qui va partir en vacances au Canada, les tarifs sont encore tout à fait prohibitifs. On aurait pu parler de ce qu'on appelle le géoblocage, donc le fait que quand on essaie, par exemple, de voir une vidéo qui est publiée au Canada, eh bien, il y a des droits qui nous empêchent de la visualiser depuis la Belgique. On aurait pu penser que si on veut améliorer et un petit peu augmenter les échanges d'achat, par exemple, hein, moi, si je veux acheter en ligne au Canada, d'avoir un petit peu plus d'informations, à quelle autorité je dois m'adresser, s'il y a un problème, si j'ai un problème de livraison, etc. Il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Donc, et quoi, on jette tout alors ? On jette tout cet accord alors ? On met tout à la poubelle ? Alors non, évidemment, ce n'est jamais noir ou blanc, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont positives et notamment dans le domaine médical. On voit qu'il y a par exemple une reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui a été prévue. On a aussi un programme d'alerte qui a été prévu, donc ça va éviter beaucoup de travail qui est fait en doublon. Vous imaginez par exemple quand vous avez un problème avec un médicament en Europe et que tout à coup on va le retirer du marché, parfois ça va prendre des années pour qu'on se rende compte du même problème au Canada et le retirer du marché. En attendant, il y a eu des victimes de cette problématique. Mmh. Donc c'est vrai qu'avoir un système de mise en commun de la formation et d'alerte, ça ce serait vraiment une chose positive. Et on a exactement la même chose qui est prévue aussi dans le CETA en matière de sécurité alimentaire. Donc il y a des choses positives. Malheureusement pour nous, il y avait vraiment un petit... On a vérifié, si vous voulez, si on remplit les critères minimums pour être un bon accord pour les consommateurs. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas, que les négociations étaient opaques, qu'on n'a pas permis aux associations de consommateurs de participer et pouvoir donner un petit peu leur feedback pour pouvoir avoir un accord intéressant pour tout le monde, et qu'aujourd'hui cet accord est déséquilibré. Et donc on appelle vraiment au rejet du texte actuel. Merci Julie Frère de Testachat. Cela dit, Isabelle, ces derniers temps, on assiste, j'ai l'impression, à une montée de la lutte contre tous ces traités. Oui, donc notamment, là, en fait, c'est ces petits autocollants qu'on colle sur des feux rouges et qui font apparaître le message. Et il y aura aussi la semaine prochaine une manifestation à laquelle vont participer beaucoup d'organisations, parce qu'en fait, et ça, c'est une manifestation contre le CETA, parce que le CETA pourrait être encore signé peut-être ce mois-ci. Ça, c'était le dossier du jour. Un autre gros dossier, tout aussi important, Uber, la mousse à raser, on en parle. Le savon à barbe. Oh, pardon. Parce que moi, mes recettes de grand-mère, à l'époque des grand-mères, il n'y avait pas de mousse à raser. Mais il y avait déjà des blaireaux. Et on en parlera dans quelques minutes. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Trois métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima. La famille idéale, ça n'existe pas. Raciste, moi. Christian Clavier et Chantal Lobby dans La Comédie Haute en couleur, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, suivi de Amour sur place ou emporté, ce lundi sur la Une. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Yeah. Avec le lac. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Un petit peu stressé, comme tous les enfants qui rentrent à l'école. Hubert. Un peu serré. Hubert qui revient après une petite cure de retour à la nature dans le sud-ouest de la France. Et oui, Sébastien, la France profonde, où on a encore le goût des bonnes choses. C'est bien notre Hubert. Ouais, où on fait encore ses confitures, ses fritons, ses pâtés, sa saucisse, ses conserves de légumes. Et plutôt que d'acheter chimique, là, on peut tout faire soi-même. Ouais, vous exagérez, Hubert. Pas du tout. Tenez, vous vous rappelez mon ami Silver, le jardinier qui cultive avec la lune, là ? Eh bien, il me disait que son père faisait son savon pour se raser lui-même. Évidemment, donc vous vous êtes rué sur la recette. Ouais, il ne la connaissait pas. Ah, mais j'ai cherché sur Internet, il y en a pas mal. Des compliqués, moi je vous propose une toute simple. Dites c'est nous. Un savon bio qui est vraiment facile à réaliser et très économique. Bon, mais sur la longueur. Hein. En plus, il a de nombreux atouts. Je vous expliquerai. Et il a de nombreux atouts écologiques. Alors, c'est fait à partir de produits sains, naturels, des produits sains. Alors, vous allez éviter les produits chimiques, style parabène, lorette sodium sulfate, triéthanolamine, etc. Ah, non, dites-les toutes. Non, c'est quoi les autres ? Diéthéthanolamine. Mais je ne suis pas licencié en chimie, je zappe. Bon, c'est contenu dans les crèmes du commerce. Et alors, aussi, il y a moins d'emballage puisque vous faites ça dans des verres que vous recyclez. Allez, on vous écoute, c'est quoi alors, c'est très simple, je l'ai dit. Vous prenez 250 g de savon de Marseille en paillettes. Si vous ne l'avez pas, prenez un morceau de savon que vous râpez avec un couteau, c'est très facile à faire. Alors vous faites fondre ça dans de l'eau, 40 à 50 centilitres. Ajoutez 2 cuillères à café d'huile de coco et 2 cuillères à café d'huile d'amande et douce. L'huile de coco, c'est comme l'huile de palme, ça n'a pas bonne réputation. Oui, ça. Pour la cuisine, il faut faire attention à utiliser avec prudence, mais cette huile est très nourrissante pour la peau, qu'elle va garder souple. Nos grands-mères connaissaient bien d'ailleurs l'huile de coco, elle était tombée en désuétude, mais maintenant ça revient très à la mode. Quant à l'huile d'amande, on connaît ça depuis l'Antiquité pour les soins de peau, c'est très efficace. Alors ici, vous mélangez tout, si vous voulez quelque chose de très onctueux, vous pouvez même mixer avec un mixeur. Ah bon ? Et puis vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle selon votre goût, lavande par exemple, pour un peu parfumer. On va tester ça ce soir à la télé ? Et pas sur moi, puisque vous savez, je suis barbu. Mais nous aurons un volontaire, Raphaël, l'homme de toutes les aventures, qui a accepté de ne pas se raser, que nous avons rasé en public. Et ce savon à barbe fait maison, c'est écologique, mais est-ce que c'est économique ? Ça coûte combien c'est, ça c'est, bon, là, c'est peut-être là que le bas blesse. Alors 6,4 pour le savon de Marseille, 6,50 pour l'huile de coco, 16 € pour l'huile d'amande et 9-10 € pour l'huile essentielle de lavande, sont un total de 39 € pour quand même un gros paquet de savon. On en a pour 6 mois. Hein, au moins, en se rasant tous les jours. Et puis alors, évidemment, si vous achetez ces produits pour uniquement votre savon à barbe, ça coûte très cher, mais si vous en êtes à faire votre savon vous-même, alors vous allez bien sûr utiliser l'huile de coco et l'huile d'amande douce pour des soins de beauté. Et là, vous allez gagner pas mal de temps. Encore un dernier petit truc pour la route, l'aftershave, fait maison, ça existe ? Eh bien oui, ça existe, on en trouve. Il y a plusieurs recettes, mais alors le plus simple pour couper le feu du rasoir, ben la pierre d'Alain, ça c'est les grands-pères qui utilisaient ça aussi. Et puisque je suis revenu, je me sens un peu obligé de vous parler du bicarbonate. Évidemment, bien sûr. Logique. Alors, 2 volumes de bicarbonate de soude mélangés à 1 volume d'eau, vous frottez, vous nettoyez, puis ça coupe le feu du rasoir. Tout simplement, on en parle à la télé ce soir à partir de 18h30. En attendant, la musique de Coldplay. Coldplay avec ce titre Adventure of a Lifetime, ça va nous conduire jusqu'aux infos de midi, cette histoire. Tony Magical, Par la rédaction pour les infos de midi, on revient derrière pour la deuxième heure des pigeons. Bougez pas. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Viva Bruxelles présente les nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir, jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Info et conditions, Essent.be. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Les syndicats et la direction belge de Caterpillar sont réunis depuis plusieurs heures. Ils discutent de la phase 1 de la procédure Renault de licenciement collectif. Elle a démarré aujourd'hui. Les syndicats se disent rassurés. Cathy Verhaeghe est déléguée principale CEDCA chez Caterpillar. La première question qu'on a demandé, donc quels seront les interlocuteurs qu'on aura en face de nous. Donc ils nous ont certifié que ce serait l'administrateur délégué général, donc M. Thierry Hansen, et Mme Anneline Wouters, donc qui est notre DRH. Donc dans la phase 1, et normalement si à phase 2, ça sera ces deux personnes-là. Donc ce sont les représentants belges de l'entreprise, ça vous rassure? Oui, tout à fait, parce que donc ils nous connaissent, on les connaît, on a quand même un bon contact avec eux, parce qu'on les croise à peu près tous les jours dans l'entreprise, en dehors des conseils d'entreprise. Donc si on avait eu affaire aux Américains, ça serait quand même beaucoup plus compliqué ici. Si, on va leur parler vraiment avec nos tripes et on va leur dire vraiment ce qu'on ressent. Et j'espère que eux, nous connaissant, vont pouvoir aussi lâcher un petit peu plus que les Américains. Cathy Verhaeghe, déléguée principale CEDCA chez Caterpillar, au micro de Mathieu Van Winkel. Un Belge a été retrouvé mort dans le nord de l'Espagne, dans un endroit, on peut le dire, interpellant. Son corps a été découvert sur un tas de compost dans la ville de San Román de la Vega. Selon l'autopsie, l'homme ne serait pas décédé d'une mort naturelle, mais les circonstances exactes du décès sont pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte. Ce constat, près de 4 appels sur 10 qui parviennent au numéro d'urgence 112 sont des faux appels. Le nombre d'appels abusifs, des blagues, des appels malveillants est en diminution, mais il reste important. En 2015, les différents centres d'urgence du pays ont traité près de 2 800 000 appels. 37% étaient des appels qualifiés d'inutiles par le service public fédéral intérieur. Les précisions de Jérôme Massard, membre de la direction de la cellule 112 du Service public fédéral intérieur. On constate sur les chiffres de l'année 2015, qui sont les derniers chiffres, une diminution de 6% du nombre d'appels que nous qualifions comme appels inutiles. En 2012, nous avions constaté un taux de 43% d'appels inutiles. Nous avions alors fait une campagne de sensibilisation de la population qui était intitulée 101-112 pas de blabla. Et donc on doit constater qu'on est tombé à 37%, ce qui reste énorme. Il faut absolument que ce chiffre continue de descendre, que la population puisse continuer à entendre ce message que le 112 est un numéro à réserver aux situations de demande d'aide urgente, soit pour l'aide médicale urgente, soit pour les pompiers. Une interview de David Riffon. À l'étranger, la Turquie compte poursuivre ses opérations militaires en Syrie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun terroriste. C'est ce qu'a annoncé le chef d'état-major des armées. La Turquie a lancé une offensive il y a un peu moins de 3 semaines pour chasser le groupe terroriste État islamique de la frontière et aussi les rebelles kurdes, tous considérés comme terroristes aux yeux de l'État turc. Toujours en Turquie, une explosion à la voiture piégée a fait 19 blessés à l'est du pays. Les rebelles kurdes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, sont soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque par les autorités. La Belgique aura une 3e médaille aux Jeux paralympiques de Rio, c'est sûr et certain. Mais sera-t-elle d'or ou d'argent? La réponse dans quelques heures. Florian Vanacker dispute la finale du tournoi de tennis de table pour les personnes handicapées mentales. Les deux autres médailles belges, l'or pour Laurens De Vos, toujours en tennis de table, dans la catégorie hémiplégie et infirmité motrice cérébrale. Et l'argent pour Marieke Verwoerd sur le 400 mètres en fauteuil roulant. Et d'autres Belges à suivre aujourd'hui, notamment Joachim Gérard en tennis en fauteuil roulant. Roulant et la cavalière Michel Georges. RTBF Mobile Info avec vous Jean-Marc Strel. Il y a un camion en panne dans l'échangeur du Carrefour Léonard. Oui, c'est dire si la situation est bien calme car il ne s'agit que d'un camion en panne. La bande droite est neutralisée dans ce carrefour dans la bretelle qui relie le 411 venant de Namur au ring de Bruxelles en direction donc de Zaventem. Et puis dans Bruxelles, ça ralentit quelque peu dans le tunnel Boileau vers Mézières et dans le tunnel Georges-Henri vers la Cambre. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, continue sur Vivacité avec vous Sébastien Nolvaux. Merci Justine, bel après-midi. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Au programme de cette deuxième heure d'émission, il sera question de cosmétotextiles. Ce sont des vêtements qui auraient des propriétés cosmétiques. Pourquoi pas? Autant dire qu'un truc comme ça, nous, on prend et on teste. C'est Caroline qui viendra nous parler des résultats dans quelques minutes. On s'intéressera aussi au petit souci qu'a le papa de Monique, un souci avec un abonnement à la Meuse. Et oui, il s'appelle Adelin, papa de Monique. Journal du groupe Sud Presse, évidemment, pas la rivière, fleuve. Plutôt. Exactement. Et ben voilà, il a renouvelé un abonnement, 300 euros quand même, puis il n'a pas eu le journal, on vous l'expliquera, et puis il réclame le remboursement, et bizarrement, ça traîne. On parlera de sucre avec Robert Rémy. Faut-il avoir peur du sucre? Et puis on n'oublie pas la question du jour sur la page Facebook, Aurore. Oui, on vous demande si ça vous dirait d'être accompagné par un coach pour faire vos courses. C'est une expérience qui a été menée ce week-end dans une grande surface à Mons. 50 personnes ont été accompagnées par un coach en diététique pour leur donner quelques conseils. Voilà, expliquez-nous surtout si ça vous intéresse sur la page Facebook On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse c'est pigeons@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. Les SMS 3063, ça coûte 50 centimes. Et je dis à Caroline d'entrer, viens Caroline, viens. T'es en retard Caroline, hein, ça va pas. Oui, mais non, mais il n'y a pas d'excuse. Tu étais où? Où étais-tu? J'avais oublié mes tartines à la maison. Ah, alors, voilà. Ok. Alors, bonne excuse. Côté musique, il y aura Lost Frequencies. Beautiful, beautiful love. Beautiful, beautiful love. Ça, c'est le nouveau. Et puis, il y aura aussi Boulevard Désert. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui. Toi, tu es la seule. Il est 17h. Si vous passez à table, excellent appétit à vous. On est ensemble jusqu'à 13h. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me. Sur Vivacité, Love Me Like You Do, c'était la bande originale du film 50 nuances de Grey, que vous avez toutes vues, hein, les filles. Ben non. Non. Ben non. Même lu, pas lu. Vous avez lu le livre? Non, non. On n'en a non. pas besoin. Bien. Ben non. Non. Allez, même pas un petit peu? Ben non, non. du tout. Non, 10 ans, on n'en a pas besoin. Tu dis non avec un petit sourire qui mais veut dire non, oui. Je jure. Allez, arrête. Je promets que arrête. Non. C'est un livre on n'en fait que regarder la couverture. Bien sûr. Même pas. Mais, ah. Si. Mais, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, en continuant comme ça, je m'adresse à Alexis qui réalise cette émission, qui est le seul homme à part moi dans ce studio. En continuant comme ça avec elle, on va avoir des infos, hein. Ah, coquine que vous êtes. On n'est pas des pigeons. Robert Remy, comment ça va? Nous sommes lundi, Robert Remy est avec nous. Et on parle de sucre. Évidemment, on passe d'un sujet à l'autre. Hein. C'est ça aussi qui fait le menu de cette émission. Robert, on parle de sucre et on se demande si c'est si mauvais que ça pour la santé, le sucre. Ben, en soi, le sucre, ce n'est pas un problème. Nous avons besoin d'énergie pour fonctionner. Et vous le savez, le sucre apporte pas mal d'énergie. C'est la consommation excessive qui peut être nuisible. Alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous ne devrions pas en absorber plus de 6 à 7 cuillères à café par jour. Que ce soit le sucre que nous ajoutons systématiquement au café ou dans les aliments, mais aussi le sucre caché dans nos aliments. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, nous en consommons beaucoup plus. Rien d'étonnant dès lors que d'autres substances au goût sucré aient tellement de succès. On parle de l'aspartame notamment, mais il n'y en a pas que ça. Ils sont nombreux les édulcorants. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on parle d'édulcorants, ben, on pense souvent à ces sucrètes à base d'aspartame, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. La, la saccharine, les cyclamates, la stevia, etc. Et leur point commun, c'est leur pouvoir sucrant. C'est 600, 700 fois et plus que celui du sucre traditionnel. C'est sans danger, ça ? À première vue, oui. Hein. Il nous apporte le goût sucré que nous apprécions souvent, mais sans nous charger en calories, ce qui est un bon point, diront certains. Et ce n'est pas tout. Hein. Contrairement au sucre classique, eh bien, il ne provoque aucune carie dentaire. Alors, vous allez me dire, c'est le rêve, ces édulcorants. Pas vraiment, hein, parce que tous ne se digèrent pas facilement. Certains peuvent provoquer des problèmes intestinaux à forte dose. Et enfin, la DGA, vous savez, la dose journalière admissible, oui. Eh bien, elle peut facilement être dépassée chez un enfant. Un enfant de 20 kilos qui consomme 2 ou 3 canettes d'un soda light, eh bien, peut facilement dépasser cette dose journalière. Et enfin, maigrir grâce à ces édulcorants, bien, ça continue à poser question. Hein. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on est convaincu et il a été démontré qu'un comportement compensatoire interviendrait. Autrement dit, après avoir utilisé des édulcorants dans notre café ou nos aliments, eh bien, nous nous accorderions une récompense avec d'autres aliments ou un cas beaucoup plus sucré. Oui, mais alors, on parlait de sucre caché, c'est pas toujours évident de savoir si un aliment contient du sucre, on les retrouve parfois là où on les attend pas. C'est vrai que légalement, la mention avec édulcorant, eh bien, elle doit apparaître, mais trop souvent, malheureusement, eh bien, elle se cache sur la face arrière ou la face latérale de l'emballage. Alors qu'à l'inverse, l'allégation sans sucre, elle, sera clairement mise en évidence sur la face avant. Alors, Sébastien, vous savez que des sodas, des yaourts ou des chocolats renferment régulièrement des édulcorants. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi en trouver dans du ketchup? Le ketchup, c'est vrai. Que... Et même, la bière. Dans des filets de hareng. Dans des filets de hareng, du sucre? Oui, des édulcorants. D'accord. Et en conclusion, on dit quoi? On ne mange plus rien, finalement, puisqu'il y a des crasses partout. Est-ce que les édulcorants constituent la solution à l'excès de sucre? À long terme, la réponse est clairement non. Hein. La solution stable, c'est de s'habituer lentement à un goût moins sucré. Certes, les édulcorants et certains d'entre eux peuvent aider à stabiliser, par exemple, son poids, mais là, les fabricants aussi devraient y contribuer en réduisant les teneurs en sucre dans bon nombre de nos aliments sans désavantager le goût de ceux-ci. Et enfin, je dirais que à chacun d'entre nous, bien, lisons attentivement la liste des ingrédients pour savoir si finalement l'aliment en question renferme ou non ces édulcorants de synthèse. On y revient toujours, hein. Faut lire les étiquettes. C'est la conclusion qu'on donne chaque fois finalement quand on va faire ses courses. Merci Robert, vous êtes toujours de précieux conseils. Il y a Lost Frequency qui arrive et puis après, on parle d'un nouveau type de vêtements, un cosméto-textile en deux mots. C'est quoi? C'est des vêtements qui ont des vertus cosmétiques. Trop fort, un truc de dingue. Trop fort. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça, c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, c'est l'écran de la caméra top view. Ah, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Activer le frein à main électrique. Et celui-là, Ça, c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette? Ah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Vivacité présente. Pierre Collard-Bovy, comment ça se passe sur les routes? Eh bien, vous perdez 3 jours sur le 411 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur le 42. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Vivacité présente les Showcases Joker Plus du beau vélo de Ravel. Yo les ravelistes, c'est les retardataires. Aïe aïe aïe, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 18 septembre au pied de l'Atomium pour faire la fête tous ensemble. Et on va partager la scène du beau vélo de Ravel avec les Magic System et Willy William. Et à très vite. Yeah. Le Showcase Joker Plus du Bon Vélo de Ravel, ce dimanche 18 septembre à Bruxelles. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non, merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhoom. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhoom lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhoom.be. Naturhoom, naturellement exceptionnel. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparé, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overhays. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Frequencies avec Beautiful Life sur Viva. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Caroline, aujourd'hui, vous nous faites découvrir un nouveau type de vêtements. C'est, on appelle ça les cosméto-textiles. Oui, et dans cosméto-textiles, on a cosméto on a textile. Et textile. Oui. Et donc, ce sont des vêtements qui auraient des propriétés cosmétiques, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Par exemple, parmi ces propriétés, on a vous hydrater, vous raffermir, vous faire mincir, chasser vos capitons. Tout ceci sans le moindre effort, il suffit donc de s'habiller, ce qu'en général on fait tout le matin, et hop, votre corps se transformerait sans le moindre effort, c'est vraiment magique. Donc des vertus assez incroyables pour ces vêtements qui devraient trouver de nombreux adeptes. Mais alors concrètement, comment ça marche? Eh bien en fait, dans les fibres textiles sont insérées des micro-capsules qui sont parfaitement invisibles à l'œil nu, et ces capsules sont censées libérer petit à petit les actifs en question. Donc leurs vertus, comme je le disais, peuvent être amincissantes, hydratantes ou autres. Et puis je suis certaine que vous vous demandez, mais c'est quoi ces actifs, évidemment? Alors, quelques exemples que j'ai trouvés. Pour la minceur, on peut par exemple utiliser la caféine pour son aspect brûleur de graisse. Pour le raffermissement, la vigne rouge qui est souvent utilisée pour les problèmes veineux. Attends, il y a ça dans ton jeans ou dans ton t-shirt? Dans des micro-capsules. D'accord. Et donc ce serait libéré petit à petit. Et voilà, évidemment. Ouais. Et après, je me sentirai plus jamais grosse ou molle ou tout ce non, qu'on veut. Non, on ne va pas refaire la chose. Bref, et donc pour l'hydratation, on peut aussi utiliser le beurre de karité, etc., etc. Mais est-ce que les effets promis par ces vêtements sont atteints? Alors évidemment, on a voulu le savoir, vous nous connaissez, on a testé. Alors on a pris un jeans de la marque Guest, c'est la gamme Jean Care. Et dans les micro-capsules en question, il y a de l'extrait de ginkgo et de la vitamine E pour un effet à la fois amincissant et hydratant, c'est encore mieux. Et pour que votre bien-être soit total, le tissu est infusé avec un parfum de lavande qui se dégage petit à petit pour vous détendre. Donc à vous les journées. Tu sens les toilettes zen, non, franchement, la lavande, ça sent bon quand c'est pas chimique, en tout cas. Oui. Enfin, je trouve que l'huile essentielle sent bon. Et... Mais donc, attends. Donc t'achètes un jeans taille X. Et si ça a des propriétés amincissantes, après tu ne sais plus le mettre parce que tu as maigri, logiquement. Peut-être. Logiquement. Peut-être, voilà. Donc, on a demandé à plusieurs femmes de tester pour voir si elles en ressentaient les effets. Et puis après, on est surtout allé en laboratoire. Mm-hmm. Alors, je ne vais pas vous dévoiler ici les résultats du test. Ah non, c'est trop facile. Voilà, il faudrait être avec nous ce soir. Mais ce que je peux vous dire, la première bonne nouvelle, c'est que les microcapsules sont bien présentes. Donc déjà, c'est pas de la pure arnaque. Il y a des microcapsules. Après, bon. Et après, quand on passe ça à la lessive. Oui, voilà. Ça disparaît avec la lessive. Évidemment, c'est le genre de truc qui disparaît au bout d'un certain nombre de lavages. Il ne faut pas les laver à 60 degrés, même pas à 40. On est plutôt sur du 30. Voilà. Tu le laves pas. Salir, quoi. En fait, il faut le mettre non-stop pour que ça ait les effets. Si vous le mettez une fois toutes les deux semaines... Le principe serait qu'à terme, tous vos vêtements soient équipés un jour. Et puis tu le mets tout le temps et tout le temps on s'en fout si ça sent mauvais, il y a quand même un peu de lavande. Il y a quand même de la lavande, oui. On s'en fout, quoi. On peut même dormir avec, en fait. Bon, ceci dit, le principe des vêtements fonctionnels comme ça, c'est pas nouveau. Eh ben non, et peut-être que vous en avez déjà acheté, je pense aux tenues de bain anti-UV pour les enfants. Alors on n'est pas du tout dans le principe des microcapsules, mais aussi, ben voilà, c'est pratique, on doit quasiment pas leur mettre de crème, sauf sur les petites parties qui restent exposées. Je pense aussi à certains vêtements qu'on conseille parfois aux personnes qui ont de l'eczéma ou des champignons sur la peau. On conseille ces vêtements comme adjuvant à un traitement, évidemment, c'est pas le traitement simple. Alors là, ce sont pas des microcapsules, mais par exemple des fibres cellulosiques avec des extraits d'algues et des sels d'argent. Ces fibres qui sont tissées avec du coton bio, et il paraît que ça a un effet apaisant pour les personnes qui souffrent de ces problèmes de peau. C'est des vêtements intelligents, quoi. Voilà, en gros. Des vêtements intelligents, exactement. Mais c'est bizarre, vous porteriez ça, Aurore? Oui, mais écoutez, si on peut rajeunir de 20 ans en portant pendant un mois un vêtement jour et nuit, moi je... Vous avez déjà eu des problèmes avec un t-shirt un petit peu olé olé la semaine dernière. Oui, mais bon, voilà. On va remettre ça. Bon, j'ai Caroline, pas tout suivi. C'est la robe, c'est ma robe n'est pas pleine de microcapsules. Mais peut-être que j'y viendrai un jour. On va déjà voir ce soir si ça marche. À 18h30 à la télé, évidemment. Ben oui. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples. Qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit.

contact était tout de même fort difficile. C'est avec la direction régionale que les syndicats vont discuter. Des syndicats qui rencontreront aussi cet après-midi les ministres wallons et fédéraux à Bruxelles. On se penchera aussi à 13h sur le numéro 112. Vous le voyez parfois s'afficher sur l'écran de votre téléphone quand rien ne va plus. Les numéros d'urgence, eux, restent accessibles. Le hic, c'est que le 112 est parfois utilisé pour tout et n'importe quoi. Les call takers, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui prennent les appels, reçoivent des commandes de pizza, des appels de gens totalement ivres ou des jeunes paumés qui n'ont plus un sou, qui sont dans une gare en attendant un train. 4 appels sur 10 sont des appels intempestifs. Il faut que ça cesse. Des détails dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. C'est pas encore notre aventure, Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile. Je serais l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. Sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Boulevard désert sur Vivacité avec Bruxelles. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Monique qui a un problème. Bonjour Monique. Bonjour. En fait, pour être tout à fait précis, c'est votre papa qui a un problème. C'est mon papa, oui. Votre papa qui est abonné au journal La Meuse depuis 3 ans. Il a renouvelé son abonnement pour un an, c'était au mois de juillet, mais il n'a toujours pas reçu le journal. En gros, c'est ça l'histoire. En fait, il l'a renouvelé pour moi un peu trop tôt parce que l'abonnement allait jusqu'au 13 août. D'accord. Il a payé le 27 juillet. Sud Presse a reçu les sous le 29 juillet au compte. Mais à partir du 1er août, papa n'a plus eu de journal parce que le facteur avait perdu la puce pour entrer au building. Bon, en attendant... Parce que je comprenne bien, votre papa vit dans un appartement et le facteur a le code pour aller déposer dans la boîte aux lettres, quoi. La puce pour entrer au building. D'accord, voilà, c'est clair. Bon, il a téléphoné une fois ou deux à Sud Presse. On a dit qu'on allait mettre des étiquettes, mais ça n'a jamais été fait. Mmh. Enfin, en fait, alors le 16 août, il a demandé que je prenne contact, moi. avec eux pour arrêter, bon, annuler l'abonnement qu'ils faisaient pour un an et le remboursement. D'accord. Ce qui nous a été promis le 17 août. Ok, bon, Annie s'est un petit peu penchée sur, sur ce petit dossier. Alors, Monique, figurez-vous que j'ai contacté Sud Presse et que, merveilleux, victoire, ce matin, Sud Presse m'a appelé. Alors, dans un premier temps, pourquoi on ne vous a pas donné de nouvelles et pourquoi ça traînait ? C'est qu'au mois de juillet, il y a eu une modification du système informatique. Ça a généré de l'instabilité, me dit-on, c'est le terme qui a été utilisé pendant quelques semaines, qui a eu une surcharge de travail pour tous les gens qui travaillent chez Sud Presse à ce moment-là, et que donc, l'information n'a pas toujours bien circulé. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'on présente ses excuses, donc à votre papa et à vous, Monique. C'est une belle leçon pour nous, dit Sud Presse. Nous allons en tirer les conséquences. Et ce qu'on dit aussi, c'est que quand vous avez appelé plusieurs fois le call center parce que vous avez effectué les démarches, vous avez envoyé des mails, etc., on aurait dû vous dire que, compte tenu de ce problème, c'est pas un problème, c'est une modification du système informatique, et bien tous les remboursements allaient prendre leur temps. Ça, ce sont les explications. C'est toujours, il y a toujours un problème informatique. Et oui, une fois c'était un bug, une fois ici c'est une bascule informatique. Ouais, c'est un problème informatique. Je rentre pas dans les détails. Et 300 euros quand même l'abonnement. Hein. 300 euros. Alors, attention, j'ai même un call center qui m'a dit que la Sud Presse ne faisait jamais aucun remboursement. Hein. Alors, je peux vous dire que c'est un cas exceptionnel d'obtenir un remboursement, semble-t-il, mais que, et c'est la bonne nouvelle du jour et de ce début de semaine, Monique, le compte de Sud Presse a été débité le 8 septembre. Donc, logiquement, votre papa devrait, ou bien vous devriez recevoir les sous vraiment très, très prochainement. Et donc, vous allez nous tenir au courant. Ça devrait être à son compte. D'accord, mais donc peut-être qu'il faut aller y aller le week-end. Vous regardez un peu les extraits de compte de votre papa et normalement l'argent va arriver. Là, effectivement, s'il est parti de chez Sud Presse le 8, il devrait être là. Oui, il est capable de les regarder, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Jusque maintenant, ça va. Mais qu'est-ce qu'il va faire alors s'il a plus sa gazette le matin? Il va faire quoi, votre papa? Eh bien, il va le chercher tout seul. Il a des difficultés d'y aller, mais il y va. On d'accord. Voiture, au moins, il est sûr de l'avoir. S'il va à la librairie du coin, il est sûr de l'avoir. Et ça le maintient en forme pour le reste de la journée. Alors, Monique, vous nous tenez au courant, parce que si jamais, on est lundi, vous n'avez pas l'argent, votre papa n'a pas l'argent sur son compte, mercredi, vous me rappelez et je me ferai un plaisir de rappeler Sud Presse, bien sûr. Et avec 300 euros, il y a moyen d'acheter une bonne paire de rollers hein, à votre papa. Ça peut être sympa. Même un peu propagé pour des rollers. Bon, hein, c'était une idée comme ça, hein, c'était une idée comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. On vous tient au courant, vous nous tenez au courant surtout. Et vous qui nous écoutez, vous avez vu, hein, ça marche. Il y a moyen de résoudre quelques dossiers relativement vite. Ça dépend les fois. Hein. On ne fait pas des miracles, mais on fait ce qu'on peut. Mais pour ça, il faut nous envoyer vos petits problèmes, que ce soit avec une entreprise, là ici, un journal, un call center, peu importe, dites-nous ce qui se passe. Oui, vous nous le dites par mail, par exemple. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. Et vous pouvez aussi laisser tout ça sur notre page Facebook, On n'est pas des pigeons. Annie, vous avez une fois de plus été magnifique en faisant en accomplissant ce miracle. Je crois que vous allez me dire ça toute la semaine. On l'espère bien. Je suis pas sûr. Ouais, c'est, bah, on va voir. Suspense. Pearl opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a des jeunes Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Vivacité et La 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 04 07 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie.

face à l'action qui t'a monopolisé l'attention et rester quelques tours en prison. Azazie avec Rue de la Paix. On n'oublie pas les bonnes habitudes, les amis. Cette émission, on la termine avec un coup de gueule. Donc, on va aller voir s'il y a des coups de gueule sur la page Facebook. Hein. Oui, il y en a déjà. C'est Françoise, et je peux vous le dire. Ah, oui. Et il est fâché, très fâché. Remontez à. Françoise, elle est très fâchée. Elle est très fâchée, très fâchée. Mais très. À propos de quoi? Un indice. Allez. Un truc qu'on mange à Noël. D'accord. Un truc qu'on avec le petit Jésus dessus. Les cougnous. Mais non. Mais si. Attends, on est en septembre. Ah, bah justement. Mais non. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. Sur Vivacité avec le titre Miracle. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. Vivacité. On n'est pas des pigeons. Un débat de dingue autour du coup de gueule de Françoise. Il vient d'y avoir un moment incroyable en studio. On parle du coup de gueule d'abord. Oui, elle nous écrit hein, en envoyant une photo abominable. Vente de cougnous au Aldi de Marcinelle, le 9 septembre. Donc c'était vendredi. Voici une idée d'enquête. Honte à eux et à ceux qui en achètent maintenant encore. Il n'y a plus aucun respect dans cette vie. C'est donc Françoise qui nous a posté une photo avec un rayon à moitié vide. Et il y a des cougnous emballés manifestement par trois dans des petits sachets Mais en plastique. Mais il y a une réponse. Mais justement, Eric dit, attention, c'est pas des cougnous. ça ressemble, mais on dirait plutôt une brioche avec des trucs dedans. D'où le gros débat qu'on a eu ici en studio pendant le disque précédent. Cougnou, pas cougnou. Écoutez, il y a un petit sachet, ça ressemble effectivement à la forme du cougnou, mais il n'y a pas le petit Jésus machin au milieu. Par contre, dans les autres sacs, on voit que ce sont des brioches. Des boules, voilà. Bon, Isabelle, et est-ce que c'est écrit cougnou dessus? Ouais, ça, on ne voit pas, malheureusement, sur la photo. Ça, c'est voilà. Pas dire. Mais de toute façon, vous mangez ça toute l'année sous forme de brioche, ça ne s'appelle pas cougnou. Oui, mais ce qui se passe est énorme quand même. Hein. Ouais, voilà. Précisons-le, ça va faire notre journée ici. Hein. Ouais, et voilà. Et si elle dit, vous nous entendez, téléphonez-nous. Cougnou ou brioche, ou brioche. Si vous avez des choses à dire, c'est sur Facebook que ça se passe, mais aussi par téléphone. Oui, 070 222 660, vous laissez bien votre numéro de téléphone et vous assurez qu'il y ait du réseau. Vous pouvez aussi envoyer un mail, pigeon@rtbf.be. On va aller préparer la télé, on vous donne rendez-vous ce soir sur la Une à partir de 18h30. C'est Sylvie Honoré qui prend le relais sur Viva avec la vie du bon côté. Bonjour Sylvie. Bonjour Sébastien. On parle quoi pendant deux heures avec vous? Je vous pardonne. Oh, mais c'est mettez déjà un ça. Genou par terre. D'accord, bien sûr. Le pardon. Voilà, le d'accord. Pardon. À qui faut-il pardonner? À l'autre? À soi? Ça, c'est la question qu'on posera. Est-ce qu'une personne qui pardonne est plus facile à fréquenter qu'une personne qui ne pardonne pas? Est-ce qu'une personne qui pardonne est plus facile à vivre qu'une personne qui ne pardonne pas? J'ai envie de philosopher aujourd'hui. Bonjour Daniel Radou. Bonjour. Si vous étiez arrivé en retard, Daniel, je vous aurais quand même pardonné. Parce que je n'aurais pas eu le choix. Je n'avais pas d'autre invité sous la main. Donc déjà, je viens de dire quelque chose d'intéressant. Le pardon, parfois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Non mais je suis très heureuse de faire cette émission avec vous. Merci. Parce que c'est un thème universel. Oui. Et moi très qui suis important. Allée écouter le Dalai Lama hier soir, enfin hier après-midi, voilà, on a quand même évoqué un peu la notion du pardon. Tout à fait. Même un livre qui est écrit, Savoir pardonner. Ouf. Bon, il n'y aura pas de spiritualité, pas de religiosité non plus. On va être très pratique. On sera tout à fait pratique, on sera tout à fait concret, comme on l'est souvent dans nos émissions. Mais le pardon, c'est vraiment le thème de l'émission qui va suivre. À qui faut-il pardonner? À l'autre? À soi? À personne? 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir dans cette émission avec Daniel Radou qui est psychothérapeute et qu'on retrouvera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonjour à tous, quelques voiles nuageux par endroit, mais un soleil bien présent et une chaleur qui se fait sentir. On attend aujourd'hui 26 à 27 degrés sur les hauteurs, une moyenne de 29 à 30 degrés dans le centre du pays et 31 du côté d'Anvers ou encore de la Campine. La nuit prochaine sera calme et douce et demain on attend des températures encore un petit peu plus hautes, 27 à 29 degrés en Ardennes, 31 degrés du centre au littoral, 32 du côté d'Anvers et même peut-être 33 du côté de la Campine. Ce seront les mêmes valeurs mercredi avant que jeudi le ciel ne devienne plus menaçant et qu'à partir de la France, une zone orageuse ne vienne par le sud. Merci d'écouter Vivacité. Bon début d'après-midi, il est 13h. Bonjour Sylvie. Le procès Westphal qui s'organise, il commence la semaine prochaine devant les assises du Hainaut. Procès d'un député en exercice au moment des faits qui lui sont reprochés. Procès sous haute sécurité aussi. Le début des négociations chez Caterpillar, c'est la phase 1 de la procédure Renault. En cas d'annonce de fermeture d'entreprise, les syndicats ont le droit de poser des questions. C'est aussi une phase de consultation. Les négociations sont pour plus tard. Enfin, le point sur ces appels intempestifs au 112, le numéro d'urgence du service public intérieur. 4 appels sur 10 ne sont pas valables et encombrent les services d'urgence. Le journal de la mi-journée présenté donc pas mal.